J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Il m'arrive souvent de penser que pour moi tout va s'arrêter, que toutes les choses que j'ai aimées n'auront aucune utilité. Par les actions que je ferai, pourrais-tu tout me pardonner? Y'a que toi qui peux me donner l'espoir de pouvoir accéder vers tes demeures pleines de beauté, là où toute âme est apaisée, là où on ne peut qu'apprécier les anges venant te saluer. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Apprendre à aimer Allah, l'adorer par reconnaissance. Y a tant de choses à découvrir à travers toute sa création. Laissons la vie d'ici-bas, consacrons-nous à l'au-delà. Se dire chaque jour qu'après la mort commencera un long voyage. Y a tant d'étapes à franchir avant de rencontrer Allah. Seuls nos actes et nos intentions seront pour nous d'un grand secours. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Chaque instant pour nous est compté dans les ténèbres du jour dernier. Nos œuvres seront révélées lorsque tout sera pesé. Ma vie sera divulguée, Allah jugera la vérité. Seigneur, pardonne mes péchés qui me font souvent oublier que la vie n'est que beauté, car elle ne cesse de m'attirer. Parce que mon âme est trop tentée, alors donne-moi la piété. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te rencontrer, espérant un jour pouvoir goûter à toutes tes faveurs. Vers toi est ma vraie demeure, ton amour me donne joie de vivre. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort. Allah, donne-moi la force de t'adorer jusqu'à ma mort.